êtes à l'émission Chérie m'écoute-tu. Sur les ondes de Cifou 89.1 FM. Bonsoir et bienvenue à l'émission Chérie m'écoute-tu. Cette semaine, encore une fois, nous aurons droit à de la musique variée et diversifiée. Pardon. Tout ça pour plaire à nos auditeurs qui aiment entendre et découvrir de nouveaux artistes. Ce soir, nous entendrons entre autres Nicolas Repack, Cold War Kids, Géraldine et We Are Wolves. We Are Wolves qui était jeudi dernier au Nord-Ouest Café et je vous parlerai de leur performance qu'ils ont livrée devant un public somme toute assez nombreux. Donc, j'ai passé une belle soirée jeudi dernier au Nord-Ouest. Et sans plus tarder, on se lance en musique tout d'abord avec un bloc de formation indie. On va commencer avec deux formations montréalaises. Tout d'abord avec la formation Wolf Parade. Vous êtes à l'émission Chérie m'écoute-tu en compagnie de Sophie Laforêt sur les ondes de Cifou 89.1 FM. Just change. Entendre la formation Cold War Kids, qui est une formation active depuis 2004, qui fait dans l'indie rock, soul, blues et qui nous viennent de la Californie. La pièce qu'on a entendue est une pièce tirée d'un mini-album, leur troisième paru en 2006, nommé Up in Rags, et la pièce s'appelle Hang Me Up to the Dry. Avant, on avait la formation Clap Your Hands, Say Yeah, avec une pièce tirée de leur premier album qui est paru en 2005, soit Over and Over Again, Lost and Found, et c'est une formation indie rock de Brooklyn qui est active depuis 2005. Sinon, au tout début, on avait la formation montréalaise d'indie rock Wolf Parade avec la pièce Modern World de leur premier album Apologize to the Queen Mary qui est paru en 2005. Et pour ceux qui connaissent Wolf Parade ou pour ceux qui ont aimé la pièce, sachez que les chanteurs ont respectivement deux formations, soit Sunset Rubdown et Handsome Fears, qui sont deux formations de Montréal que j'aime beaucoup également. Sinon, pour le prochain bloc, on va se lancer en musique avec un bloc plus doux. On va commencer avec certains artistes de la France, soit Françoise Breut et Émilie Loiseau, ainsi que Nicolas Répac. Et ensuite, on va revenir avec Feist, une pièce en français, donc un bloc entièrement francophone. Et je vous rappelle que vous êtes à l'émission Chérie m'écoute-tu en compagnie de Sophie Laforêt sur les ondes de Cifou 89.1 FM. À la renverse, je pars la première. On se rejoint là-bas, dessous la roche, pendant l'averse, que la route était longue, pour finir dans tes bras, finir à la renverse. Au kilomètre 83, oh là, le temps m'inquiète, il ne passe plus, où sont tes bras, je les cherche. Comment vivre une vie dans ces rues-là, dans ces artères blessées, par des bâtisseurs pressés. Mieux vaut vite s'en aller à la renverse, il n'y aura personne et tu me perds. petits souvenirs. Comment dire, mes sourires font tes ailes. Comment dire, de vieux clowns en colère. Comment dire, mes habits te font rire. Je suis le jukebox des souvenirs. Attention à la dynamite. égard de votre rang à ces jeunes énervés qui ne savent pas aller. Flânant gentiment, n'allez jamais trop vite en amour, simplement pour revoir de la réussite. Soyez très très prudent, l'amour en deviendra, c'est blottir dans vos bois. Entendre Feist, ou plutôt Leslie Feist de son prénom, avec la pièce Tout doucement de son premier album Let It Die. Et c'est une chanteuse, ou plutôt une auteure-compositrice-interprète canadienne née en Nouvelle-Écosse. Et son tout dernier album, The Reminder, est également un excellent album. Si vous n'avez pas encore écouté, je vous le conseille fortement. Sinon, avant, on avait le projet de Nicolas Repac, qui est polyinstrumentiste d'électronique et de musique new jazz, qui est originaire de la France. Et la pièce qu'on a entendue s'appelle « La nuit mène une existence obscure » de son album « Swing, Swing » paru en 2004. Et si vous voulez plus de détails, vous pouvez consulter le noformat.net, qui est son étiquette de disque, qui étiquette qui défend les musiques qui ne rentrent pas dans la logique de formatage actuelle, donc des musiques un peu plus éclectiques, un peu plus variées. Sinon, avant, on avait Émilie Loiseau, qui est une auteure-compositrice-interprète française, de son plus, en fait pas de plus, son plus récent album. Son plus récent album, Pays Sauvage, est paru en 2009, mais celui dont il est question en ce moment, c'est L'autre bout du monde, deuxième album qui est paru en 2006 avec la pièce Comment dire. Et sinon, au tout début, on avait encore une chanteuse originaire de la France, Françoise Breut, avec la pièce Kilomètre 83, tirée de son quatrième album, Une saison volée, paru en 2005. Et je vous rappelle que vous êtes à l'émission Chérie m'écoute-tu en compagnie de Sophie Laforêt. Et je vous invite à consulter le www.sophieaimelamusique.blogspot.com pour avoir la liste des pièces qui ont joué à l'émission de ce soir et avoir accès à la balado-diffusion, donc qui sera en ligne quelques temps après l'émission. Sinon, vous pouvez également télécharger les émissions antérieures. Et sinon, on va se quitter le temps d'une courte pause et au retour, on aura un bloc indie rock avec trois formations montréalaises. Je vous rappelle que vous êtes à l'émission Chérie m'écoute-tu en compagnie de Sophie Laforêt sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. C'est fou de musique à découvrir. C'est fou de musique à découvrir. C'est fou de la scène émergente. C'est fou de scène émergente. C'est fou de la musique. C'est fou 89.1. 89. The enemy is now in sight above the palace.

On vient d'entendre la formation Onomatops, qui est une formation indie-pop électro-acoustique de Montréal. Formation qui est en pleine émergence actuellement. Ils étaient deux membres seulement. Et maintenant, ils se sont... Ils ont regroupé, si on veut, ou rejoint deux autres membres, donc, pour former un groupe de quatre musiciens. Et la pièce qu'on a entendue s'appelle Long Gone Friend, d'un album qui est toujours inexistant, sûrement à venir, je l'espère. Donc, vous pouvez consulter le myspace.com/onomatops pour plus de détails. Sinon, avant, on avait une autre formation montréalaise, soit The Lovely Feathers, avec la pièce Gifted Donald, de leur troisième album, Fantasy of the Lot, qui est paru en juin dernier. Et ils seront au Green Room de Montréal le 1er décembre prochain pour les intéressés. Avant, on avait la formation toujours de Montréal, We Are Wolves, avec la pièce La Rue Oblique, seule pièce francophone de leur troisième album, Invisible Violence. Et ils étaient au Nord-Ouest, à Trois-Rivières, le jeudi 5 novembre dernier, avec la formation montréalaise Parlerve, ainsi que la formation trifluvienne Around Joshua. Et ils ont donné un spectacle... un très bon spectacle. En fait, les trois formations donnaient un bon spectacle. Moi, j'étais là principalement pour Parlerve et We Are Wolves. Parlerve, que j'avais vu brièvement au Festival Oshiaga l'été dernier, qui ont donné aussi un très bon spectacle. J'ai apprécié de pouvoir les revoir une deuxième fois dans un tout autre contexte, soit un concert plus intime. Et je les ai vus de plus près aussi. Ça m'a permis de mieux saisir, en fait, l'album. Puisque l'album, donc, l'album éponyme de ce groupe-là m'avait plu quand même. On dirait que je préfère la formation en prestation live. Donc, si vous avez aimé l'album, je vous incite à aller les voir en spectacle si vous avez la chance. Peut-être que vous les aimerez davantage. Sinon, si l'album ne vous avait pas marqué tant que ça, peut-être que vous les aimerez davantage en spectacle. Sinon, pour ce qui est de la formation We Are Wolves, c'était la première fois que je les voyais en spectacle. Et ils ont fait principalement les pièces de leur dernier album Invisible Violence, sinon du précédent Total Magic. Deux excellents albums. Je ne sais pas s'ils ont fait des pièces du premier album, puisque je ne le connais pas, le premier album. Donc, que dire de plus? Je n'ai plus de mots. C'était vraiment un spectacle très énergique. Je pense que les gens ont apprécié. Puis, En tout et partout, je pense que le spectacle a duré de 9h à 1h du matin, là, entrecoupé bien sûr de pauses pour permettre aux différentes formations de s'installer. Donc, c'est apprécié d'avoir des spectacles comme ça à Trois-Rivières qui sont, pour ma part, je crois, pas assez nombreux. Donc, voilà. Sinon, on va se tourner du côté francophone avec une pièce tout d'abord de Géraldine, artiste que je ne connaissais pas, que j'ai découverte en fin de semaine. Donc, la pièce qu'on va entendre, c'est une pièce qu'elle a fait en collaboration avec Navet Confi. Je vous rappelle que vous êtes à l'émission Chérimi Coutu avec Sophie Laforêt sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Fuck me, fuck me, fuck me. d'entendre Égrégore, projet d'un dénommé Grégory Lemay. Donc, la pièce qu'on a entendue s'appelle « Lettre à mes parents adoptifs » de l'album « L'amour à perpétuité », qui est le seul album de Égrégore qui fait dans la musique sombre, un peu à la manière du Husky. Et rien à signaler, sinon, pour Égrégore, pas de spectacle et pas de disque en vue non plus. Avant, on avait le projet, ou plutôt la collaboration Géraldine en compagnie de Navec Confi avec la pièce « Enroule-toi dans mes bras » d'un album, plutôt d'une compilation du Festival Pop Montréal de 2008. Et c'est une artiste que je ne connaissais pas. Je me suis rendue sur son MySpace, soit le myspace.com « Géraldine est folle ». Et donc, elle porte fièrement la cagoule, autant sur sa pochette de disque que sur les extraits de spectacles qu'on peut voir. Et elle a un album, soit Sold Out Capitalisme. Et c'est une artiste qui est à découvrir. En tout cas, dans mon cas, je vais essayer d'entendre les pièces qu'elle fait en solo. Et peut-être que je vous partagerai ça à l'émission si j'ai aimé, si je juge que vous pourriez aimer également. Donc, c'est ce qui complète ce court bloc de projet montréalais. Sinon, l'émission va se conclure très bientôt et je vous remercie d'être à l'émission Chérie mes coutus les lundis de 18h à 19h ou les vendredis de 10h à 11h en rediffusion. Et je vous rappelle que vous pouvez consulter le blog de l'émission, soit le www.sophieaimelamusique.blogspot.com pour avoir accès à la liste des pièces qui ont joué à l'émission d'aujourd'hui ou lors d'émissions antérieures et vous aurez également accès à la balado-diffusion en téléchargement ainsi qu'aux émissions antérieures et s'ajoute à ça des critiques à l'occasion de spectacles, de disques et anecdotes musicales. Donc, si vous avez envie, vous pouvez visiter ce blog. Sinon, nous, on se retrouve lundi prochain, 16 novembre, à 18h jusqu'à 19h. Et là, je vais essayer de vous partager les nouveautés donc qui m'auraient échappé au cours des dernières semaines. Il y a quand même des disques qui sortent encore pas mal puisque l'automne et la rentrée emmènent ça. Mais là, ça se calme tranquillement et ça laisse place à divers albums de Noël. Et qui sait, peut-être que cette année, on aura droit à un spécial Noël à Chérie mes coutus comme on avait fait l'année dernière. Le seul problème, c'est que c'est assez difficile de trouver de la musique de Noël qui est somme toute intéressante puisque je ne suis pas fan de ces albums qui sont parfois faits dans un but marketing seulement. Chose assez déplorable. Sinon, on se laisse en musique avec encore deux pièces. La première qu'on va entendre, c'est une pièce de Chad Van Gaelen. Chad Van Gaelen, bref, c'est pas facile à prononcer, qui est un auteur, compositeur, interprète de Calgary en Alberta et qui est un multi-instrumentiste, donc actif depuis 2001. La pièce qu'on va entendre s'appelle Bones of Men de l'album Soft Airplane, qui est un album que j'adore, un des meilleurs albums de l'année dans mon cas. Et on va entendre ensuite la formation de San Francisco Papercuts, qui est une formation indie, twee-pop, ambiant, avec un son particulier, un son que j'adore. Et ils sont présentement en tournée avec une autre formation, Twipop, soit Camera Obscura. Et malheureusement, ils ne s'arrêteront pas à Montréal. Ils vont s'arrêter le plus proche. C'est à Toronto le 26 novembre. Donc, la pièce qu'on va entendre s'appelle « You Can Have What You Want », donc d'un album du même nom, qui est un troisième album du projet, de ce projet. Donc, troisième album qui est excellent aussi. C'est le projet d'un artiste que je connaissais pas, qui s'appelle Jason Kevers. Donc, je sais pas s'il a toujours fonctionné sous ce nom-là, mais les informations sont assez dures à trouver concernant cette formation. Donc, sans plus tarder, on écoute Chad Van Galen à l'émission Chérimécoutu sur les ondes de CFOU 89.1 FM. It was a beautiful night. Yeah, the moon was climbing out of the mountains. And from the city.